Le titre de cette conférence, c'est « La conscience après la mort ». Après la mort, ça sous-entend qu'il y a une mort, donc on n'est pas immortel. Il y a plusieurs médecins qui sont de ton avis. Qu'est-ce qui se passe après notre mort? Est-ce qu'on a un paquet de... d'images ou de on s'en va dans un grand tunnel avec de la lumière et on est supposé de revoir sa vie, tout ça. Est-ce que c'est le déroulement de sa vie? Et puis qu'après ça, on est inconscient ou est-ce qu'on reste conscient? Non, ce qui se passe après ta mort, ça dépend de ton testament. Raison de plus, pose la question tout de suite. Étant donné que j'amène plusieurs choses neuves, c'est évident que de temps en temps, à travers le discours que je vais faire, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est pas grave, ça, qu'on ne comprenne pas. Énergétiquement, il y a en masse d'informations qui passent quand même, et puis il y a des choses qui, à un moment donné, sont comprises plus tard. Quand on parle de choses neuves, moi, je parle de choses neuves. Je n'ai pas étudié là-dessus. Si j'aurais étudié là-dessus, je serais encore aux études. L'être humain, à un moment donné, grâce à sa conscience, il parvient, après sa mort, à préserver sa conscience. Donc, moi, j'ai fait des choses que la majorité des humains n'ont pas faites. Il y a d'autres personnes qui ont fait ça, mais c'est assez rare. À un moment donné, la conscience qui vient s'établir par le contact avec les corps physiques peut, lorsque les corps planétaires sont dissous, donc disons parler de la mort physique, l'état de conscience qui a été planétarisé, qui a été terrestrifié, peut se maintenir. Et se maintenant, elle va être capable de revenir chapeauter un corps par la suite qui va être reconstitué et qui aura une génétique, une affinité vitale, une âme suffisamment ajustée aux besoins de la conscience qui est maintenant planétarisée, et là, il peut y avoir un recontact qui va se faire. Ça fait quoi? Ça fait que, comme par exemple, moi, je prends l'information là où elle se trouve. C'est instantané. Je ne réfléchis pas, je ne pense pas, ce n'est pas mon opinion. Je réponds, je pars. Et c'est pourquoi c'est important qu'il y ait des questions posées. Parce que je ne me pose pas de questions. Alors, il faut vous poser des questions. La conscience, tu dis qu'elle est mémorisée ou elle est gardée dans une certaine forme ou... Elle est recyclable, on peut la réutiliser plus tard dans une autre vie. Ce qui est recyclable, c'est ton corps physique. Ça va faire des fleurs, ça va faire de la fumée peut-être. Bon. Ce qui est recyclable, c'est ton corps vital. Ça va permettre de donner la vie, nourrir. Ce qui est recyclable, ton corps astral, ça va permettre d'engendrer des psychologies qui vont être colorées parce que tu auras expérimenté. D'engendrer 15, 20, 30, 5, 50 000 psychologies qui vont être colorées un peu par ta vie. Et ton corps mental est recyclable. Le corps supramental, lui, n'est pas recyclable parce qu'il n'est pas détruit et il conserve sa même fonction. Et lui, il est réutilisable. Voilà. Bien. Et la conscience... Dans quelle forme il est gardé pour qu'on puisse le réutiliser? Oui. Est-ce que c'est le double éthéré? Oui. Il les a, lui, hein? Il a des mots. Oui, c'est le double éthéré. Fait que ça répond tout à ta question. Je m'excuse. Ça ressemble à quoi, un double éthéré? Est-ce que c'est atomique, électronique? C'est large comme la pièce? C'est grand comme un corps physique? C'est énergétique. Et puis, il y en a quelques-uns ici, des doubles en création. Tu les vois pas? Ça te donnerait une idée. Puis une personne là-bas ici qui en a un gros. Oh, je vois quatre gros égaux monter à côté. C'est quatre personnes là-bas, c'est moi qui parle. Bon, c'est comme ça. Le meilleur véhicule pour recevoir l'être absolu, pour recevoir ce que l'humain appelle Dieu, mais c'est vous autres, pour nous recevoir, pour recevoir l'intelligence, pour recevoir la conscience, c'est le double éthérique. Un double éthérique, c'est un véhicule. Il y a des synonymes à double éthérique. Double moron ciel, Dépendamment des recherches que vous avez déjà faites, là, hein, vous ne partez pas à zéro, c'est sûr qu'il y a des choses que je dis qui sont neuves, mais on a quand même eu accès à l'information. Double moronciel, corps moronciel, double éthérique. Et c'est important, le corps éthérique ou le corps vital, alors, étymologiquement, c'est la même chose, c'est ce qui permet au corps de chair d'être là. Le double éthérique, c'est un corps vital, mais c'est dangereux, là, on se ramasse avec deux corps vitaux différents. Double, donc un deuxième corps. Double, donc il y aura le double éthérique. Transporteur séraphique, double séraphique, puis corps séraphique. C'est des synonymes aussi du double éthérique. Non, c'est bizarre, là. Bon. Mais passe-moi d'un mot. Là, c'est rendu au double séraphique, là. Non, mais là, moi, j'expliquais ça pour les gens. Il y a du monde ici là, qui ont lu ces choses-là. Ah, OK. Moi, je connais pas ça. C'est pour ça. Quand le Nazaréen, tu connais ça. Bon, bon, quand le Nazaréen, on arrive à Pâques, quand il s'est ressuscité, c'était quoi? Un corps de lumière. Est-ce que ça ressemble à un double éthérique? Bon, le Nazaréen, Joshua, Jésus, Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est autre chose, le Christ, c'est autre chose. On parle, donc, le Nazaréen, c'est comme ça que lui se faisait appeler à l'époque par ses apôtres, ses disciples, ses initiés. Lui, lorsqu'il est mort physiquement, c'est intéressant que tu amènes ça, parce que c'est ce qui va arriver à plusieurs personnes, mais évidemment, le scénario n'est pas identique. Mais dans l'ensemble... On saute le Vendredi Saint. Effectivement. Le dimanche, c'est beau. Le vendredi. Crucifié, mais... Ouais. Les Romains crucifient le Nazaréen. Et, disons, accepte la crucifixion. Par la suite, on va détacher son corps, on va le mettre dans un tombeau, on va l'entourer de lambeaux, etc. On le met dans un tombeau, on ferme le tombeau. On met des soldats pour le garder, parce qu'apparemment, il se posait sortir trois jours plus tard. Et, historiquement, on compte toujours des choses, hein, parce que le premier évangile est sorti 93 ans après la disparition du Nazaréen. On a le temps de colorer bien des choses. Puis, il y a un paquet d'évangiles apocryphes, des évangiles qui n'ont jamais été publiés. Parce que, c'est pas correct. Comme le rôle de la femme, il y a Thomas qui en a parlé. Mais, à l'époque, les mâles qui copiaient les autres, le rôle de la femme, ça n'a pas trop poussé. Et le Nazaréen n'est jamais sorti du tombeau. À un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'après trois jours, on ouvre, on va voir s'il est encore là. Et puis, on trouve une guinée. Avec quoi il l'avait enveloppé. Il n'y a plus rien d'autre. Alors, évidemment, il s'est poussé. Mais c'est difficile de comprendre encore. D'ailleurs, même les Égyptiens, quand ils parlaient de voyage astral, parlaient d'un corps astral qui se promenait. Il n'y a pas de corps astral qui se promène. Les Égyptiens disaient, oui, il y en a un, je l'ai vu, mon corps astral. Mais si tu l'as vu, tu n'étais pas dedans, c'est clair, tu sais, en tout cas. Bon. Mais il faut encore faire ça souvent aujourd'hui, c'est faire des parallèles. Le corps du Christ n'est plus là. Alors, on va dans les Écritures dire que la roche était tassée, que les soldats romains sont endormis, et c'est un ange qui est venu endormir les soldats romains. Mais non, le Christ a traversé la roche, c'est pas un problème. Si on parle de miracle, tu sais, tu marches sur les eaux, tu transformes de l'eau en vin, tu multiplies les pains, tu n'arrives pas à traverser à travers une muraille de pierre. Mais pour le transport, pour le déplacement, c'est important à l'époque. Alors, on avait un corps astral, bon, on a écrit que la roche a été roulée. Les Romains n'ont pas dormi, mais il manquait bien que ça, avec toute la publicité qu'il y avait eu sur le phénomène, les deux Romains ne seraient pas endormis là, certains. Et puis, même toi, même avec en état d'ébriété. On ouvre, on tasse la roche, on rentre, on voit une guenille qui garde des traces. C'est pas le sueur de Turin, mais effectivement, ça existe. L'autre, c'est une copie, en tout cas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le Nazaréen, ce qui est arrivé, son corps de chair a, à un moment donné, est entré en fusion avec son double éthérique, le double séraphique. Et puis là, il y a eu une fusion. La fusion, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait que le corps de chair est devenu un corps atomique, ce qui a d'ailleurs impressionné un peu le linceul. Et le corps atomique, lui, c'est un corps de lumière. Puis ça s'en va où c'est que tu veux l'envoyer, il n'y a aucun problème. Le corps est disparu, il est venu se reposer en Amérique un bout de temps. Il est revenu après avec ses apôtres. Il est resté longtemps avec ses apôtres. Et puis, à un moment donné, il y a des choses que je peux expliquer parce que Jésus avait... Je ne sais pas si on peut dire ça, hein? Il avait un jumeau. En tout cas, lui, il est mort après la Birmanie. Bon. Ce qui est important, c'est que après la mort, quand l'être humain se conscientise, il y a une partie de sa conscience qui demeure. Et cette partie de conscience-là, elle demeure dans un véhicule qu'on appelle le double éthérique. Et quand je parle de véhicule, c'est pour arriver à se comprendre. À l'époque, on disait, quand vous allez mourir, si vous avez suivi les commandements de Dieu, vous allez aller au ciel. Ça, si je dis ça, là, la majorité comprennent. Mais c'est quoi le ciel? C'est pas plus tangible que le double éthérique. On est habitué d'en entendre parler. Si je dis, si t'es pas trop bon, là, c'est dans le purgatoire. Mais le purgatoire, il y a une force purgatorielle dans le monde astral. Mais on suit. Puis si t'es vraiment méchant, ça veut dire que t'as pas écouté le commandement du prêtre et de Dieu, t'as moins d'enfer. L'enfer, les feux éternels, etc. Tout le monde visualise ça. Moi, je parle avec du neuf, puis évidemment, ça prend un bout de temps avant qu'on arrive égoïquement, psychologiquement, à faire le concept de la chose. L'être humain qui vit a un ego. L'ego, c'est l'acteur. C'est le je puis le moi. C'est pas vous autres. Mais c'est ce qui se prend pour nous autres. Puis c'est ce qui fait que finalement, on pense qu'on est ça à un moment donné. Bon, ça c'est l'humain planétaire. C'est lui qui a peur de mourir. Parce que l'humain, à travers sa vie, se conscientise, c'est-à-dire qu'il a de plus en plus de contact avec l'être réel, donc avec vous en tant que réalité, parce que les véhicules planétaires ont des contacts avec l'être réel, ça crée, dans l'expérience de l'ego, une fonte des vieilles formes. Ça crée des brisures de formes, des chocs de temps en temps. Sinon, ça crée des mutations de la conscience, des éveils. À un moment donné, tu comprends plus clairement, ou tu vois plus clairement quelque chose, subitement tu découvres que l'amour, c'est pas ce que tu pensais, ou tu n'es plus confiant dans les dieux qu'on t'a présentés, les dieux des religions organisées, ou, bon, il y a des éveils qui se font. Ces éveils-là engendrent la fonte de l'ego. Et la fonte de l'ego, c'est ce que moi j'appelle l'anégoïsation. On s'en va vers un état anégoïque. Âne sans. Ego, égoïque, qui se rapporte. Anégoïque, sans ego. Bon. L'être humain, c'est l'égoïsme. La spiritualité, qui ne dit pas toute la vérité parce qu'elle n'a pas toute l'information, parce que la spiritualité s'adresse à des êtres humains qui sont en processus d'évolution. Le processus d'évolution, c'est un processus de maturation de l'âme. Et quand l'âme est suffisamment mature, le processus de conscientisation commence dans le corps mental pour amener ce que le Nazaréen appelait l'Esprit Saint. Un esprit pur, qu'on appelle au Québec le phénomène supramental, donc pour amener l'intelligence active, pour amener l'intelligence, vous autres, le contact. Alors, ce qui arrive, c'est que l'être humain qui s'anégoïse, spirituellement, on dira, il devient plus humble. Sauf que l'humilité, c'est une vision de l'ego. Les gens, souvent, sont humbles et ils s'en vantent. Bon. Alors, le Nazaréen a même dû dire aux pharisiens puis aux sadducéens, puis aux personnages qu'il y a là, vous faites comme si vous étiez humble, mais c'est pas ça l'humilité. L'anégoïsation, c'est la fonte de l'ego. Si on fait fondre l'ego à un point tel que l'ego disparaît, on aura là une âme pure, une âme sans ego. Quand l'ego fond, l'ego, c'est toute la personnalité planétaire qui vous agite. L'ego, c'est votre personnalité. Puis les personnalités, c'est des problèmes. Parce qu'une personnalité, c'est une vision qu'on a de ce que l'on pense qu'on est. Là, on défend, on veut nourrir, on veut connaître, on veut améliorer notre personnalité. Ça fait partie des pièges de l'illusion. Mais l'ego, quand il fond, la structure massive, la structure qui faisait en sorte que vous étiez capable d'intelligence, pas uniquement d'intellectuance, donc de contact avec l'esprit, l'ego, lorsqu'il fond, l'énergie constituant l'ego, l'information dans l'ego est canalisée par un ajusteur de pensée. On va sauter des détails, mais ça va créer dans un endroit qu'on appelle le plan moronciel, le plan éthérique, une copie conforme de ce que vous êtes, vous, en tant qu'être humain planétaire intelligent, puis intelligent. Ce véhicule-là, c'est ce qu'on appelle le double éthérique. Plus on s'anégoïse, plus le double éthérique se grimpe. Mais plus le double éthérique va grimper, plus on va avoir accès à de la conscience. Et plus on a accès à de la conscience, plus on s'anégoïse. Et plus lui, il grimpe. Alors, à un moment donné, si ton corps physique en a ras-le-bol de toi, puis il meurt, tu te ramasses dans un plan qu'on appelle le plan éthérique, qui est le plan moronciel. Moronciel, étymologiquement, veut dire le plan de transition. Quand les individus meurent, les morts cliniques dans les hôpitaux, puis qu'on les ranime, ils nous comptent des histoires. Ils ont vu des canals, ils ont vu de la lumière, ils ont vu... C'est dans le plan moronciel qu'on voit ça. Et tant que l'âme est dans le plan moronciel, la personne, si le corps physique est viable, peut être réincarnée. Bon, dans certains pays, on était capable de ramasser une âme d'une personne dans le plan moronciel, puis de le corps physique étant, il est, mettons, rendu à 75 ans, puis il y a un paquet de maladies, puis tout croche. Alors, on s'arrangeait avec une personne qui était jeune, qui voulait se suicider, puis on s'arrangeait pour qu'il y ait une transition de corps, puis le corps restait dedans, mais l'individu n'était pas mort. Bon. Au Tibet, surtout qu'on faisait ça avec le Dalai Lama, puis à un moment donné, ça s'est fait autrement. Lorsque ton corps meurt, toi, tu vas te ramasser avec ton âme là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez vous anégoïser, l'ego porte aussi un nom intéressant, anti-homme. Homme avec un grand H. Au fur et à mesure que l'être humain s'anégoïse, l'anti-homme est dissous et à la place vient se placer une mémoire expérientielle, donc l'expérience pure, donc sans émotivité, sans désir, du contact avec l'esprit. Ça, c'est ce qui va faire en sorte progressivement que vous allez avoir une âme plus belle, elle n'est pas pure. Si ton corps meurt pendant que tu as encore un peu d'ego, tu te ramasses dans le plan moronciel. Donc, tu vas voir effectivement les ambulanciers ou tu vas voir tout bon des choses. Et puis, à un moment donné, tu vas voir le canal du monde de la mort s'ouvrir. Il y a des guides, c'est-à-dire des mécaniques sur lesquelles je vais passer, on va passer présentement, qui viennent te chercher, des guides de lumière, etc. Et ça vient t'indiquer ton chemin. Mais tu vas voir dans le plan moronciel une lumière encore beaucoup plus vive, qui est celle de ton double éthérique. Et là, il y a une partie de l'anti-homme, donc de l'ego, qui va se détacher de toi. Donc, tu n'auras même pas besoin de vivre de phase purgatorielle. Immédiatement, ça va se détacher. Ça gagne le monde astral, donc le monde de la mort et sa mort. Toi, la conscience qui a été planétarisée, tu vas te diriger vers ton double éthérique et tu vas gagner ton double éthérique. Donc, après ta mort, une fois que la négociation est commencée, les personnes ici dans la salle qui, de toute façon, déjà là, ont une conscience qui est immortelle, c'est pas éternel, c'est encore assujetti au temps. Elle est immortelle, elle ne mourra pas, mais il y a une partie de tous les égos, toutes les parties d'égos vont quand même gagner le monde de la mort et mourir. Il y a des personnes, toi, puis il y en a d'autres, bon, eux, si le corps physique meurt immédiatement, ils vont gagner leur double éthérique, donc ils ne mourront pas du point de vue de la conscience. Alors, présentement, vers cette fin du 20e siècle, il y a effectivement des individus qui, à la mort de leur corps physique, ne seront pas morts. C'est ce qui est arrivé à Lazare lorsque Lazare, tout le monde disait qu'il était mort. Même son corps physique commençait à pourrir. Puis le Nazaréen n'était pas pressé pour aller le guérir. Puis il a même dit à tout le monde, il n'est pas mort, il dort. Bon, mais dans le contexte, c'est qu'on va le ramener. Mais quand on a ramené tous les véhicules à l'intérieur, le corps s'est restructuré immédiatement. Tu sais, c'est capable de transformer de l'eau en vin, c'est capable de transformer un corps en putréfaction, un corps qui ne l'est plus. Lazare était juste pas capable de retrouver son corps parce qu'il était plus assez conscient, puis la présence du Nazaréen a servi de phare, de lumière, ça l'attirait. Donc, après la mort physique, la majorité des êtres humains habitant cette planète vont gagner le ciel. Mais le ciel, c'est un terme générique qui désigne l'endroit où vont les morts après la mort, où vont les âmes après la mort du corps physique. Dans le ciel, il arrive que l'enveloppe qui entoure l'âme ne peut pas gagner le ciel, l'enveloppe qui fait que les âmes ne se mélangent pas quand elles sont assises un côté de l'autre, et l'âme gagne le ciel, mais plus d'enveloppe. Et lentement, tout ce qui constitue les mémoires réincarnationnelles et l'expérience de l'humain, l'expérience de sa vie, l'expérience du contact avec la conscience, l'expérience émotive, est dissous. Comme le corps physique, on appelle ça pourrir, bon, ben, l'âme pourrit aussi dans le monde astral. Et c'est pourquoi, lorsque ça va se réincarner, les individus ne se rappellent de rien parce que finalement, ils sont plus reconstitués, ils sont autre chose réincarnationnellement. Mais les individus qui s'anégoïsent, la partie qui finalement... Quand vous commencez à être conscient puis consciente, il y a toujours des petits chocs au niveau de l'ego, puis c'est l'ego évidemment qui joue le jeu-là, qui dit, maudit, je suis tanné de pas être plus puissante, ou Christy, je suis tanné d'être pogné de même, d'être colérique, puis d'être inhibé, puis bon... Il y a des parties de l'ego qui vont, ces parties-là vont gagner le monde astral, et là, tu es libéré complètement. Tu n'es pas encore puissant, mais tu restes conscient, même après la mort de ton corps de chair. Est-ce que le double éthérique, il reste là longtemps, dans le plan moronciel, ou s'il s'incarne dans un nouveau corps physique? Longtemps. Ouais, il n'y a plus de temps, ou à peu près? À 100 corps, est-ce qu'il y a une fonction, le double éthérique? Est-ce que c'est nécessaire qu'il se retrouve tout de suite un corps, ou il peut rester... Bon, le double éthérique va attendre, il n'attend pas. Mais le double éthérique n'est pas nié. À attendre. Bon. Que quelqu'un sur la planète mette au monde un véhicule planétaire, mental, astral, vital, physique, un corps, suffisamment évolué pour être capable de recevoir en contact, pas en incarnation, pas en réincarnation, en contact, toi, la conscience. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est amusant de savoir, pour ça n'est pas des égos, c'est qu'une fois que tu vas être mort, que tu vas rejoindre ton double éthérique, tu continues à te conscientiser. Parce que maintenant, toi, la partie qui rejoint le double éthérique, c'est une partie qui provient des véhicules planétaires et qui a l'expérience de l'ajustement des mécaniques supramentales et temporelles aux mécaniques planétaires temporelles. Donc, pas de corps physique, tu continues ta conscientisation en attendant d'avoir un véhicule pour pouvoir commencer à exprimer. Est-ce que le double éthérique pourrait se reconnecter immédiatement avec un descendant ou avec quelqu'un oui. de près sans attendre? Bon, s'il y avait une génétique de près? Si tu meurs, est-ce que ton double éthérique avec toi, tu peux revenir directement sans tête d'un de tes fils? Ça? Oui. Oui. Ça veut dire qu'on peut préparer aussi une génétique. Oui, oui, on peut préparer. Non, c'est parce que tantôt, tu as fait allusion au testament, c'est important. Tu choisis celui que tu penses qu'il y a plus de chance que. Ça, c'est égoïque, la question. Mais très pratique. Oui, on peut préparer, mais c'est l'ego qui va préparer. Pourquoi voudrais-tu préparer quelque chose qui va se faire parfaitement si tu t'en occupes pas? C'est une bonne réponse. Hein? Merci. Mais le double éthérique, là, c'est une conscience. Oui. C'est un véhicule qui contient la conscience. Et puis, bon, y a pas, on va dire qu'il n'y a pas de temps, là. Bon. Quand ça s'incarne dans quand un corps... ça va se remettre en contact. Avec un autre corps? Oui, ça ne s'incarne pas. C'est en contact. Bon, bien là, il va avoir deux consciences dans le même corps. Ou bien non, il va avoir une possession qui va se faire. Wow. Une grosse influence. Ah, il l'a tué. Ça ne sera pas une possession, ça va être une grosse influence. Ça va être comme... comme une possession. Le bonhomme qui... Le gars va se commander une bière avec une olive. Oui, c'est ça, il va se commander une bière avec une olive, c'est ça? Parce que l'ancien buvait du martini, puis le nouveau, il prend de la bière. C'est ça. C'est intéressant comme question, mais ça fait encore partie des choses qui sont originales à dire. C'est que l'être humain veut toujours être individuel. Souvent dans le séminaire, quand j'explique certaines choses, il y a du monde qui me dit « Moi, ça ne me dérange pas qu'on se réincarne en gang chez moi, à la condition que c'est moi qui reste le boss. » Bon, mais c'est ça le problème de l'humain. Un gros, gros problème. Les Russes veulent diriger, les musulmans veulent diriger, tout le monde veut être le boss d'eux. Alors que tout le monde va avoir la paix, tout le monde va avoir le confort, tout le monde va avoir le bonheur, mais tout le monde veut diriger. Fait qu'évidemment, il n'y a plus rien qui peut comprendre. Oui, mais en tout cas... La question est bonne. Il y a de quoi qui ne marche pas, là? Il n'y a rien qui marche. Mais c'est peut-être qu'il y a un problème juste s'il reste l'ego. Si c'est un double éthérique, on parle qu'il n'y a plus d'ego, peut-être qu'il n'y a plus de problème. Ouais, mais c'est un double éthérique individuel. Présentement, oui. L'expérience... Là, je vois pas, moi, là. À part de venir dans un corps de... Qui est vide de conscience. Mm-hmm. Bon. Le reste, je comprends pas. OK, c'est simple. Le contact qui va se faire avec un bébé peut se faire. C'est ce qui va arriver souvent. Dans la question de Charles, est-ce qu'un contact peut se faire avec un descendant ou une personne avec laquelle tu es en très grande harmonie? En tout cas, n'importe qui? Non, pas n'importe qui. Réellement, quelqu'un avec qui tu es monté en amour pendant ta vie. Pas quelqu'un avec qui tu es tombé en amour, pas quelqu'un ordinaire. Avec quelqu'un avec qui tu vibres. Voilà, quelqu'un avec qui tu es monté en amour. Alors, ce qui arrive, c'est que donc, dans le double éthérique peut se connecter à un enfant, donc un bébé, et progressivement, le bébé va recevoir des réincarnations, évidemment, mais ces réincarnations-là vont être ajustées presque immédiatement et instantanément par l'ajusteur de pensée de ton double à toi. Donc, l'enfant va être extraordinairement brillant, extraordinairement puissant. C'est le genre d'enfant qui devrait traumatiser ses parents. Est-ce que c'est pas le double? Est-ce que c'est pas le double qui va faire en sorte justement que ça va être certaines réincarnations qui vont arriver? Est-ce non, que lui va pas... Le corps les attire, mais le double va les ajuster immédiatement. Il va pas, lui, en attirer des spécifiques? Non. Pour faire vivre des expériences? Non, en mutant le corps physique progressivement, il va jouer sur le processus réincarnationnel. Maintenant, pour la question de Michel, comment toi, tu peux arriver à te connecter à un de tes fils si ton fils n'a pas de conscience suffisamment élaborée, dépendamment de son âge, tu vas prendre sa place, et progressivement, ton fils va savoir, lui. S'il n'y a pas de conscience du tout, ton fils va progressivement, en quelques années, devenir toi. Bon. Si ton fils a déjà un peu de conscience, mais normalement, dans la famille, celui qui se conscientise, c'est dépendamment de son âge, évidemment, sa conscientisation, évidemment, c'est 15 ans après avoir mis des enfants au monde, c'est sûr qu'il y a moins d'incidence. Dans le cas de plusieurs parents, et c'est pourquoi d'ailleurs au Québec, les jeunes ne veulent pas avoir d'enfants immédiatement. Inconsciemment, ils préfèrent vivre des mutations, ils préfèrent changer inconsciemment, avoir des enfants plus tard. Les enfants vont bénéficier immédiatement de la génétique mutée de leurs parents et d'un paquet d'autres avantages marginaux. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant donc, c'est que son double éthérique va venir et il y a déjà une partie de conscience, disons, d'un de ses fils. Le double éthérique qui vient s'implanter dessus, automatiquement, le fils va savoir que le père est là. C'est ce qui est arrivé à l'époque lorsque Jésus a reçu un contact avec une énergie christique, une énergie michaélienne, donc descente. Quand il y a eu fusion, disons, connexion entre les deux, la religion ne parle plus de l'enfant Jésus, puis elle ne parle plus du Christ, elle parlera de Jésus-Christ. Ah, mais lui, il ne savait pas trop qui il était, là. Non, il ne savait pas qui il était, mais il savait qu'il avait affaire à tout lui. Il était pas mal mêlé. Ça va de soi. Mais lui, il n'avait pas assisté à des conférences. Bon. Donc, laisse-moi répondre à mes questions. Là, vous faites des affaires. Le contact, n'est-ce pas? L'intelligence, sa conscience. Là, si on ne répond pas, il n'aura plus de conscience. Sa conscience vient se placer. Le fils sait que son père est là, et là, il y a un dialogue qui va se commencer à se placer entre les deux. Et le fils va comprendre immédiatement que le père est là. Le fils va évidemment recevoir de l'information que l'humain n'a pas normalement, parce que là, il y a un contact plus facile, parce qu'il y a une attraction énergétique. Or, le père va y expliquer. Donc, le fils va vivre une conscientisation assez rapide, et le fils aura le choix de dire non ou de dire oui. Quand j'ai le choix, il va t'influencer? Oui. Normalement, le fils dit oui. Alors, les jeunes qui écoutent des conférences sur cassette, hein, dépêchez-vous à grandir. Bon. Non, faites attention à vos parents. Gardez leur vie. Le fils, normalement, dit oui parce que dans la conscience, on finit par se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'être des individus individuels, là, avec chacun son petit libre arbitre illusoire et ces choses-là. À un moment donné, je reçois mon père qui est brillant, qui est conscient, puis il y a tellement, il se crée une énergiopathie tellement forte que je suis tellement bien avec son contact que progressivement, ça va commencer à s'opérer un processus de fusion. Il faut donc que le père accepte de se fusionner avec la conscience du fils et que le fils accepte la fusion avec la conscience de son père. Et quand il y aura eu fusion, leur union va être illimitée. Alors que dans le contexte humain actuel, chaque union est limitée. Hein? Une rencontre, c'est le début d'une séparation dans le contexte planétaire. Quand il y aura eu fusion des deux véhicules de conscience planétaire, le père et le fils font maintenant un. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de fils. Il va avoir, c'est sûr que si le père a un nom double, puis que le fils avait un nom double, enfin un nom quadruple. Bon, pas que la mère s'arrange. Parce qu'elle va appeler qu'à moitié. Donc, quand il y aura eu fusion au complet, il y a des ententes qui vont se faire, puis des choses qui vont s'arranger, puis où le fils maintenant devient le père plus jeune, du point de vue de ce qu'il va exprimer, où le fils devient le père mélangé avec le fils, on semble reconnaître les deux, mais c'est plus ni un ni l'autre. Donc, au niveau de la conscience, du point de vue... En dedans, il n'y aura pas de dualité. Est-ce qu'il y a une dualité qui va se vivre? Si le fils a un peu de conscience, il y a une dualité qui va se vivre un bout de temps, mais la conscience du père au niveau du contact va se faire progressive pour laisser les chocs s'estomper. Mais c'est évident que le fils se réveille un matin, il s'en va à l'école, puis là, il y a un examen, puis là, il ne sait pas, puis subitement, son père lui dit clairement, mais là, il est sûr que son père est là, mais là, c'est, il ne l'entendra pas dans sa tête, là. C'est par télépathie. Il va savoir. Bon, puis là, immédiatement, ça va répondre. Il va savoir que ça ne répond pas. C'est ce qui se passe quand c'est de la vraie conscience, quand c'est pas de la mémoire ou des manipulations astrales. C'est pas « oui, écoute, effectivement, c'est moi, hein, je suis venu ». C'est pas ça. C'est qu'à l'instant où le fils va commencer à poser la question, il va être sûr de la réponse. Bon, ça parle pas. L'ego qui parle, ça pense. Mais dans le contact fusionnel, il sait. Alors, donc, le jeune sait. Le jeune va avoir, l'ego va avoir un peu peur, c'est du nouveau. C'est non, du mais jeune. Il saura pas que c'est le père. Il va savoir totalement que c'est son père. Mais il va savoir totalement que c'est pas son père comme les voyants essaient de connecter, de contacter. Il va savoir qu'il est son père. Il va savoir qu'il est lui. Puis évidemment, le père va expliquer des choses. Mais il va savoir en don, puis le père, il parlera pas. Il va savoir instantanément ce que le père veut dire. C'est sûr qu'il faut que l'enfant ait un petit peu de conscience. C'est sûr que l'enfant va... Là, il pourra dire, c'est pas mon père, je suis mon père en même temps que le père et le fils. C'est ça, je suis moi, je suis pas moi, je suis... Mais c'est ça, au début, il faut qu'il ajuste sa parole. Et si c'est oui, il y a une fusion qui va se faire, et l'enfant... Qui... C'est... Bon, les réincarnations, c'est de la mort. Finalement, la réincarnation, c'est des mémoires de mort, finalement, qui arrivent. Des mémoires du monde de la mort, oui. Bon, mais c'est des morts. Mais c'est mort, c'était... en ce sens que c'est mémoriel, c'est jamais instantané. Okay. Parce que la mort, ça n'existe pas. Mais c'est des mémoires. C'est des mémoires, puis le double éthérique, c'est aussi une mémoire dans le cas qu'on dit qui arrive. Bon, oui. Là, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il se rappelle... Non. C'est pas ça, ça marche pas. Le double éthérique est un phénomène qui a la capacité de retenir dans un véhicule mémoriel des mécaniques instantanées. Bon, un peu comme si aujourd'hui on est capable de retenir des particules d'antimatière. Mais l'antimatière, ça a un défaut. Du moment que ça touche la matière, les deux n'existent plus. Alors comment peux-tu faire un contenant qui contient de l'antimatière? Ils sont capables avec des champs électromagnétiques. Le double éthérique, c'est un véhicule qui est énergétique, qui est capable, lui, d'être mémoriel et qui est capable de contenir des phénomènes instantanés. C'est ta conscience. Puis c'est pourquoi il n'y a pas de réincarnation ou il n'y a pas d'incarnation d'un double éthérique, parce que le corps, lui, est totalement mémoriel. Il y a un contact qui va se faire et la conscience, par le biais d'un interpréteur, qui est l'ajusteur de pensée, qui est le véhicule du double éthérique, va se mettre en contact avec les hautes sphères énergétiques de l'homme, le plan mental. Et lui va devenir l'ajusteur psychologique et qui va ajuster l'information au plan astral. Hypothétiquement, si le corps physique est assez solide, s'il y avait vraiment fusion entre les deux, il y aurait un corps de lumière. C'est ça. L'être humain qui reste vivant, qui s'en égoïse, la négoïsation dépend toujours de la capacité de recevoir de l'information neuve. Et l'information neuve véhicule de l'énergie nouvelle. L'information est jamais... C'est pas ça qui est important. C'est pas de tout comprendre qui est important. C'est qu'il y a des personnes, à un moment donné, qui ne comprennent pas tout, mais ils sont de mieux en mieux dans leur vie. Énergétiquement, ils ont des changements. Il y en a qui sont des orateurs, des oratrices, il y en a d'autres qui sont des acteurs, des actrices, des faiseurs. Et bon, tout le monde ne peut pas tout comprendre. Moi, je comprends même pas ce que je dis. Je parle trop vite. Ce qui est important de saisir... Mais je sais que j'ai raison. C'est pas pareil. Je pourrais te l'expliquer après. Le double éthérique, c'est un véhicule, contient de l'information instantanée, puis c'est le véhicule qui vient par... Au début, il y a des gens ici qui ont entendu parler de l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, l'être humain, de par sa nature, il a une âme. L'âme est reliée par un canal réincarnationnel. Cette âme-là, elle est façonnée en fonction d'une vibration qui peut être dite. C'est votre nom. Et le canal ici, par exemple, quand vous êtes chrétien, si vous devenez témoin de Jéhovah, la première chose qu'on fait, on vous rebaptise. On débranche le canal à l'égrégore catholique, puis on le branche à l'égrégore du témoin de Jéhovah. Si vous devenez juif, on vous rebaptise. On porterait un nom juif. Vous devenez mormon, on vous rebaptise. Vous rentrez chez les Krishna, on vous rebaptise. Pas juste des jeux. Bon. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le canal réincarnationnel lui amène de l'information sans arrêt. Il se réincarne. À partir de l'âme, il y a un autre canal qui est connecté au canal réincarnationnel et donc qui est très inopérant, c'est l'ajusteur de pensée. Quand l'être humain commence à se conscientiser, ce canal-là se débranche. Il se débranche, puis lentement, il va aller, il traverse le monde de la mort et il va aller se brancher dans des sphères supramentales. Bon, des égrégores supramentaux ou carrément au niveau du plan supramental. Lorsque le canal ajusteur de pensée est libéré, l'être humain commence à vivre la conscientisation, il cesse dans son évolution. Il y a une phase de transition, il va continuer à évoluer pendant 15, 20, 30 ans, pendant qu'il commence à se conscientiser. Puis ça va s'en aller, l'évolution en s'atténuant, puis la conscientisation en augmentant. Là, ce qui va arriver, c'est que l'ajusteur de pensée, c'est lui qui va, par excroissance, devenir un double éthérique. Donc, un double éthérique, c'est nécessairement un ajusteur de pensée. Alors, il va arriver à un moment donné que l'être humain, lui, s'en égoïse tellement que le double éthérique devient complet. L'âme de l'humain devient pure. Pendant que le corps est vivant. Pendant que le corps est vivant. Et ça, c'est plus on va être capable d'accepter le neuf sans résister. Il pleut. Oh, c'est du mauvais temps. Puis c'est... On ne change rien à toute cette mécanique. Mais c'est quoi le neuf, là? L'exemple le neuf, de neuf. C'est simplement des événements que tu n'as pas prévus. Mais qu'est-ce qui se passe avec un ego qui est face à du neuf puis que ça ne passe pas? On y revient tout de suite après. Donc, l'humain va se négoïser suffisamment en acceptant le neuf. Et quand le double éthérique est totalement prêt, c'est-à-dire que l'ego n'est plus là, il n'y a plus de résistance, bien, vu qu'il n'y a plus de résistance, vous êtes capable de descendre vers vos véhicules planétaires, puis de vous imbriquer dedans, de vous fusionner à eux. Il n'y a plus de résistance. Bon. En vous fusionnant à eux, le corps de chair ne pourra pas supporter le contact. Alors, le corps de chair est totalement détruit, c'est-à-dire qu'il devient un corps de lumière. Mais quand on dit détruit, ça fait toujours peur. Mais quand on prend un arbre puis qu'on le détruit pour en faire un meuble, et l'arbre n'est plus là. Mais les constituants de l'arbre sont toujours là. Bon. Le corps de chair devient un corps de lumière. Un corps dans le genre « touchez-moi pas ». Il y a des problèmes. Le corps de lumière, lui, il est immortel. Il ne meurt plus. Il n'y a plus d'ego. Et l'ego, pourquoi les corps meurent? Pourquoi vous mourrez? Parce que l'ego prend tellement de puissance à un moment donné que le corps physique ne peut plus le supporter. Le corps meurt, l'ego gagne le monde de la mort, il est relativement dissous. Il va avoir une descendance réincarnationnelle et résurrectionnelle dans les enfants par imprégnation ou par contact génétique, donc par copulation. Et il y a réincarnation, donc on commence avec des égos nouveaux, avec des expériences neuves. Est-ce que si on s'en égoïsait totalement dans cette vie-ci, on n'aurait pas besoin de mourir? Physiquement? La question n'est pas, on n'aurait pas besoin de mourir. Non, est-ce qu'on ne mourrait pas? Ou est-ce qu'on cesserait de vieillir et on ne mourrait pas? Tu ne vieillirais pas, tu ne mourrais pas, j'ai fini. Ça veut dire que l'anégalisation est synonyme de former son double éthérique. Oui, en s'anégalisant, on forme le double éthérique, donc en s'anégalisant, on crée de la conscience après la mort. Ce qui n'a à peu près jamais été vécu par l'espèce humaine depuis qu'elle est ici, depuis un peu plus de 320 ans. Pourquoi ça se vit maintenant, que ça ne se veut pas avant? Parce qu'il est là. Il y a l'évolution génétique qui s'est faite, les corps physiques sont extrêmement plus subtils, plus solides, les corps neuroniques sont beaucoup plus élaborés, les psychologies sont beaucoup plus émancipées. Donc on est capable de... On s'est écœuré souvent de tellement d'illusions que là on est beaucoup plus apte à recevoir des choses neuves. On a une conscience psychologique beaucoup plus ouverte vers des choses qui sont nouvelles, qui sont moins limitées par les écrits du passé. Le corps physique, le système neuro-endocrinien, c'est ce qui est le plus important et c'est pourquoi il y a eu évolution génétique à travers le temps. C'est simplement parce que nos corps physiques sont beaucoup plus performants que les corps de nos ancêtres. Et c'est pourquoi la majorité des jeunes qui viennent au monde sont déjà plus performants que ce qu'on l'était. Leur corps physique est plus performant. Mais c'est pourquoi c'est que ça se passe. Tu parles souvent du neuf, là. Oui. C'est quoi le neuf? C'est l'inverse du vieux. C'est quoi vieux? Le neuf, c'est tous... Le neuf, c'est une forme, une illusion, un concept, une théorie, qui n'a pas jusqu'à date été généré dans le contexte planétaire. Autrement dit, quand on parle de la réincarnation, on ne parle pas du neuf. C'est sûr que pour certaines personnes, ça, c'est nouveau la réincarnation. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la réincarnation, par exemple? Donc pour eux, c'est du neuf. Okay. Dans les grégores, dans leur conscience, la réincarnation ne fait pas partie de ce qui était généré chez eux. Au niveau planétaire, le neuf, c'est ce qui vient expliquer d'une façon totalement neuve les questions de l'humain. Et c'est souvent aussi la donnée de questions qui n'ont jamais été posées par le genre humain. Mais là, ça, ça fait quoi, ça, à l'ego? Ça, ce que ça fait à l'ego, ben, le neuf, ça terrorise l'ego. Et pourquoi? L'ego, c'est mémoriel. L'ego, c'est constitué de mémoire, puis dans la mémoire, il y a la sécurité. Quand tu rencontres une personne la première fois de ta vie, pas un problème. Quand ça fait 20 ans que tu restes avec elle, tu l'as tellement expérimenté qu'il y a une partie, une grosse partie mémorielle de sa présence. Si elle décide de te laisser, tu souffres parce que cette partie-là ici ne veut pas s'adapter à l'absence d'un individu. Et en plus, cette partie-là ici, n'étant plus alimentée par la présence de l'autre, va mourir. Donc là, l'absence de l'individu, dans ce cas-là, c'est du neuf. L'absence d'un individu, c'est du neuf. Et parce qu'il y a une partie de ton ego qui devra lentement l'oublier, s'estomper, tu vas te rappeler de l'individu, mais tu ne vivras plus la même chose. Cette partie-là ne veut pas, elle va donc résister à son départ. Donc, ton ego résiste au neuf. Au changement, au neuf. Changement, c'est la même chose. Quand je disais tout à l'heure, le neuf, du point de vue humain, c'est tout ce que tu n'as pas prévu au niveau de ton ego. Tu t'apprêtes à aller faire du ski, puis là, il pleut. Mais là, il y a une réaction égoïque. On se met à chialer. Bon, on est déçu, etc. L'être humain qui est beaucoup plus dans sa conscience, sur l'autre pas, il va faire immédiatement, ah tiens, il pleut. Oh ben le ski était l'eau, hein, c'est drôle. Et il va faire d'autres choses. Lui, il s'amuse, il est jovial. Et j'ai déjà expliqué que le bonheur, c'est une illusion, fait partie de la mémoire. L'être humain va être joyeux. Et la joie, c'est un bonheur instantané. Tu peux pas mémoriser la joie. La joie, c'est là. Et ça, c'est un rayonnement d'une âme qui est en train de se purifier, la joie. Mais c'est sûr que pendant la transition, pendant la purification de l'âme, l'être humain n'est pas toujours joyeux, parce qu'il y a encore beaucoup d'ego qui résiste, on est en train de te rendre mieux. Mais l'humain, bon, ça paraît bizarre. Plus toi, en tant qu'être réel, tu viens travailler ton corps pour cesser que tu souffres, pour mettre fin à tes souffrances, pour mettre fin à ta recherche d'argent, pour mettre fin à ta recherche d'aliments, pour mettre fin, bref, aux misères planétaires, plus l'intelligence veut faire ça avec toi, plus ton ego résiste et veut rien savoir. Pourquoi? Parce que l'ego est mémoriel. Il y a des individus qui sont malades, puis quand ils commencent à guérir, ils lâchent leur médecin. Ils changent. Parce que c'est eux autres, la maladie. Ça fait 20 ans qu'ils sont malades. Ils sont habitués à être malades. Ça fait partie de leur psychologie. Il y a des gens qui sont déprimés, puis quand ils commencent à les remonter, à un moment donné, là, c'est juste qu'ils s'en vont. Bon, ils vont se déprimer, ils vont venir. Quand ils vont se déprimer, ils ont besoin de ton énergie, mais ils ne tiennent pas à changer. J'ai déjà dit souvent à des personnes, imaginez que vous vous promenez, puis ça, l'humain est comme ça, quelles que soient les obédiences religieuses ou ésotériques. Si l'humain rencontre un jour le diable dans le bois, il va avoir peur. S'il rencontre des forces maléfiques, des forces sataniques, il va avoir peur. Mais la journée qu'il va rencontrer ce qu'il appelle Dieu, il va avoir encore bien plus peur. Les rares individus qui ont rencontré le diable et Satan sont devenus assez puissants pour être des exorcistes. Mais les rares individus qui ont touché à peine à la conscience d'une façon visible, à peine, ils sont devenus des missionnaires, ils sont capotes. Puis, ils n'en demandent pas plus, eux autres. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de cette conscience-là? Parce que le diable ne te changera pas, puis le diable ne t'amènera pas à une conscientisation, puis les forces sataniques non plus, les forces arimaniennes non plus, toutes les forces d'évolution, on les connaît. Les intraterrestres, ce que tu voudras, ça ne t'amène pas ça. On a moins peur des Russes que l'humain, on a moins peur des ennemis. Les Russes, n'importe qui, les ennemis, un voleur, un criminel, qui va avoir peur d'une rencontre avec Dieu. Même les religions n'ont peur. Quand quelqu'un dit « j'ai rencontré Dieu », les religions te disent que tu es un menteur. Bon, notre technique, là, puis la religion veut dire relier, religare, c'est un connecté à Dieu. Comment? Notre technique, elle marche? Menteur! C'est ce qu'ils disent, eux autres. Il n'y a pas un chrétien qui peut aller se vanter d'avoir réussi à toucher Dieu en suivant ce que la religion lui dit. On va lui dire qu'il s'est illuminé. Puis c'est un compliment. Mais dans le domaine de l'humain, c'est un problème. On a l'humain, tout ce qui fait, tout ce qui ne t'aide pas à t'égoïser, donc qui nourrit les processus astro-mémoriels, on en a moins peur que ce qui te permet d'avancer. Pourtant, on devrait savoir qu'on sait que c'est vers le mieux qu'on s'en va. On s'en va vers ce qu'on est, vers notre réel. Oui, c'est neuf. Jusqu'à temps que ça marche. Pourquoi penses-tu, tu vois, on a une personne qui vient de temps en temps ici dans la région de Montréal, elle s'assoit dans une salle et puis les gens viennent dans la salle et puis elle leur dit pas un mot. Puis après une demi-heure et 20 piastres, les gens s'en vont. Cette personne-là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle elle a une âme tellement pure, la conscience est en train de s'élaborer, elle a une âme relativement pure du point de vue de ses structures réincarnationnelles. Et par sa respiration, elle rejette suffisamment dans les atomes de carbone et d'oxygène des parties de son âme. Hein? C'est l'oxycarbone, c'est un véhicule matériel qui amène les effluves de l'âme. C'est pour ça qu'on parle d'une mauvaise atmosphère, d'une bonne atmosphère, on fait rien sur le monde. Alors elle s'assoit là, puis les gens viennent respirer son atmosphère, puis les gens repartent extrêmement calmes, les gens repartent motaditement mieux. Mais il y a bien plus de monde qui vont suivre un gars qui vend de la drogue ou un criminel ou un danger public que du monde qui vont aller là. Il y a bien plus de monde qui vont aller voir du heavy metal à 75 piastres le billet que du monde qui vont aller voir cette personne-là. Parce que cette personne-là, quand tu sors de là, tu arrives, puis là, subitement, tu vois les niaiseries qu'il y a dans ta vie. Mais tu vas la fuir, cette personne-là, parce qu'elle t'oblige à changer. Elle te permet de te retrouver. C'est un miroir trop performant. Ouais. Et quand tu vas voir tous ceux qui te disent que ce que vous faites est bien correct, il n'y a aucun problème. Alors même les forces du mal, on en a peur parce que c'est trop froid. Énergétiquement, ça va trop nous rabaisser. Mais c'est tolérable. Imaginez la chrétienté. Pendant longtemps, ils ont cherché bien plus le mal que Dieu. La quête, c'est continuellement, c'est comme ça. Hein, on cherchait toutes les personnes qui pouvaient être vendues au diable, ou le moindre mal avait une anomalie, une malformation, n'importe quoi. Puis on te tuait tout de suite. Puis c'était la main de Dieu. Hein, on vous attachait, je ne sais pas si il y en a qui s'en rappellent, on vous attachait, on vous amenait sur un lac, on vous mettait des roches, on s'attachait comme il faut, on vous lâchait, blou, blou, blou, blou, blou. Si vous vous en sortiez vivant, c'était la preuve que Satan vous possédait, fait qu'on vous tuait. Et si vous mouriez, ben, c'est parce que vous n'étiez pas possédé. C'est vrai! C'était la façon de... Ou encore être couché sur une planche, mettez une autre planche, mettez des grosses roches extrêmement pesantes pour t'aplatir. Et si tu vivais à ça, survivais à ça, c'était la preuve en tabarnouche que le diable était dans toi. Mais si tu mourais avec le sang qui éclatait partout, ah, c'était une bonne personne, ça. Ton père était un bon bonhomme, il n'était pas possédé, tu peux aller dormir en paix. Ben, lui, il était mort, évidemment. Très, très longtemps, puis ça, toutes les religions, c'est continuellement comme ça. Pourquoi tu penses que pour aller communiquer la paix, on y va avec un sabre? Les croisades, c'était ça aussi. Les croisades, l'évolution de l'empire musulman, c'était uniquement à coup de guerre, tu te convertis ou tu meurs. Les chrétiens ont fait la même chose, tu te convertis ou tu souffres. Et continuellement. C'est pas ça. Aucune de ces religions-là parle de l'avancement comme ça. Mais l'humain vit comme ça. Et c'est le gros problème. Non, mais c'était ça. C'est ce qui nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on était ce qu'on était à l'époque. Mais sauf qu'aujourd'hui, la majorité ici, c'est le temps que ça cesse. Ça ne cessera pas du jour au lendemain, les souffrances. Sauf qu'il faut qu'on accepte de plus en plus le neuf. Bon, il pleut. T'as une crevaison. Change le pneu. C'est de la négoïsation. Puis c'est pas après ça, tu sais, j'ai eu une crevaison, puis finalement, j'ai pas crié. Ça, c'est de l'humilité. On peut s'en vanter. Mais c'est plus de la négociation. Le peu d'énergie que tu as transféré là, tu le ramènes après ça au niveau de ton ego pour t'en vanter. Ferme ta boîte. Quand tu vis ce que tu as à vivre, tu te poses des questions, tu réponds, mais tu n'en mets pas plus. Qu'est-ce qui arrive si on ne sait pas fermer la boîte assez? Puis finalement, le double n'est pas vraiment composé au moment du décès. Du corps physique, je le sens faiblir. Est-ce qu'on peut, bon, ben, on va disparaître en tant que mémoire, en tant que conscience. Est-ce que si on a un peu de conscience dans un double éthérique, mais pas suffisamment pour pouvoir se réincarner ou se reconnecter à quelqu'un, est-ce qu'on se connecte à un autre double éthérique ou qu'est-ce qui se passe avec cette conscience-là? Bon, OK, un tout petit double éthérique. Une doublette. Bon. La racine carrée d'un double éthérique. Tu as un tout petit double éthérique, et bon, c'est une question intéressante. Effectivement, ce qui va arriver, c'est que tu vas probablement, si le tien est trop petit, tu vas automatiquement te fusionner à un gros double éthérique qui est déjà en contact avec l'humain, sa planète, ou qui attend un corps physique. Mais là, tu n'aurais pas conscience de qui tu étais ou de ce que tu es, ou c'est la même chose que... pas beaucoup. Ça va te faire influencer un peu par l'autre gros. Tu vas avoir autant de conscience de te connecter à lui que tu as de conscience qui est en train de te connecter à toi. Tu n'en auras pas. Mais finalement, de toute façon, on finit. Des fois, c'est toute la même. Commande, là, c'est moins, puis, Mais que ça soit fait tout de suite ou plus tard, de toute façon, tu parlais de la conscience tantôt, alors c'est. C'est-tu négatif ce que tu dis là? Non. Ça semblait. Non. De toute façon, je te dis tantôt, tu veux quoi, au moment donné, on se ramassait tout pogné la même affaire? Non, pas pogné, mais la même conscience. Non, mais on peut dire, par exemple, que. Tu te conscientises assez pour avoir un double éthérique. Mais là, c'est l'ego, mais quand même. Assez pour avoir un double éthérique. Pour avoir un double éthérique, puis après ça, pouf, tu fais fusionner avec un autre. Non, non, ben, moi, ce que je dis, c'est. Si tu y vas à fond de train, ou ben non, tu fais rien, puis parce que de toute façon, si tu le fais un petit peu, ben, tu tournes près comme celui qui a plein d'ego, puis qui sort de la mort. Si Michel décide de cesser totalement sa conscientisation, il ne fait plus rien. C'est évident que veut pas, il va faire partie de ceux qui vont s'en sortir. Parce que toute l'humanité va s'en sortir. Autrement dit, commence à te droguer, puis oublie tout au complet, puis fait absolument plus rien. Mais quand les élites vont partir, mais quelques secondes après, toi, tu vas partir aussi. C'est encourageant pour ceux qui... Okay. Alors là, ce qu'il va dire, ben, bon, crime, ça vaut pas la peine qu'on travaille autant. Exact. C'est vrai que ça vaut pas la peine qu'on travaille autant. Le handicap de Michel et de probablement tous vous autres et de ceux qui ne sont pas ici et qui entendent, et pour savoir ce que je veux dire, vous référez à la cassette de W2 conférence. Il y a du monde qui écoute avec les cassettes, ils ne sont pas ici ni entendent. Pour pouvoir comprendre. En tout cas, je vais essayer de simplifier encore plus. Le contact fusionnel entre toi puis les autres, puis l'autre ici, là, du point de vue de l'ego, c'est sa terreur. C'est une des raisons qui fait en sorte que l' ego fait tout pour rester dans le corps physique puis pour pas évoluer rapidement. Puis l'ego, il sait pas que dans le monde de la mort, il se passe la même chose, il se fusionne à tout ce qui traîne là. Mais ça, il sait pas, il sait consciemment, il n'a pas peur de la mort pour rien. Mais en même temps, il s'est inventé des illusions pour se faire croire qu'il restait individuel. Hein? Parce que les chrétiens savent qu'une fois mort, ils vont rejoindre Dieu. Il n'y a pas un qui veut mourir. Les musulmans savent qu'une fois mort, ils vont rejoindre Allah. Il n'y a pas un qui veut mourir. On sait très bien qu'il y a une illusion quelque part là-dedans. Ceux qui croient à la réincarnation savent très bien qu'ils vont se réincarner dans un corps de chair bien mieux. Mais ils ne veulent pas mourir. Tant que tu n'aimes pas le tien, mais meurs, quand tu en auras trouvé un ton goût. T'as pas que ça pour mourir de même. Quoi que tu fasses. C'est parce qu'inconsciemment, on sait que c'est pas vraiment. On sait que c'est pas ça. On sait que dans le monde de la mort. Non, mais pourquoi, ben. Quoi que tu fasses, si tu décides que tu fais plus rien, ce qui va arriver, comme donc je dis pour la majorité des gens qui sont ici, c'est que vous pourrez pas plus rien faire. C'est pour ça. Quelqu'un dit, mais c'est dangereux ce que vous dites là, M. Kem. Là, vous dites qu'on pourrait s'occuper de plus rien du tout, là, puis on va quand même s'en sortir avec tout le monde. Nazarien a dit la même chose. T'es en train de mourir, t'es presque mort, là. Ben, demande pardon à Dieu, t'es réglé. Et ça n'a-tu frustré une coupe, là? Il a passé 40 ans à faire attention, il a passé 40 ans à faire ce qu'il voulait, puis pouf! Je demande pardon à Dieu. Puis les deux se ramassent à la même place. Tu sais, je suis un prêtre, ils font 50 ans de dire d'aller en enfer. Puis rendu au ciel, je te retrouve là. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai demandé pardon à la dernière minute. Ah ouais, est-ce que tu me serais amusé, moi aussi? Non, mais c'est vrai pareil. Qu'est-ce que tu fais là avec ma femme? Tu connais le Saint-Pierre quand il a reçu Brigitte Bardot? Elle n'est pas morte encore, mais Marilyn Monroe, il l'a reçu. Il y avait une planche là, qui traversait l'enfer, puis là, Saint-Pierre, il dit à Marilyn Monroe, il dit, là, tu vas me suivre, on traverse la planche, puis comme ça, mauvaise pensée, là, tu tombes en bas. Le Saint-Pierre passe, Marilyn Monroe passe. Écoute, Saint-Pierre tombe. C'est un homme. Vous n'avez pas choisi de vous conscientiser. Vous n'avez pas choisi de comprendre ce que vous comprenez ou ce que vous ne comprenez pas. Vous ne choisirez pas ce que vous allez comprendre. Vous savez, quand on vous disait quand vous étiez jeune, là, « Crime, tu ne comprends pas, fais-moi un effort! » Comment on fait ça, un effort pour comprendre? Ça, comment un effort pour comprendre? Tu comprends? T'as ouais, en punissance! Je comprends pas. Tout ce que tu comprends, c'est que t'es mieux de faire comme si tu comprenais. Parce que ça... La compréhension, t'apprends. t'apprends que traverser rue, c'est dangereux. Surtout quand les parents sont là. Tu sais, quand tu t'apprends. Tu vas pas frapper par l'auto, ça va être par ton père. Ça. Quand il y a certains cas, quand l'auto t'a frappé, ton père est caché. Mais vous n'avez pas choisi, n'ayant pas choisi, effectivement, c'est complètement, mais vous ne pouvez pas. C'est frustrant encore pour les Christi d'égo qui veulent absolument avoir un libre-arbitre. L'humain n'a pas le choix. Une chance qu'il n'a pas le choix. Si Adolf Hitler aurait le choix, puis si Genghis Khan aurait le choix, puis Kubilai Khan, puis un paquet d'autres. Même si l'humain a le choix. Moi, j'ai le choix de m'asseoir à ta place, puis le choix de t'asseoir à toi aussi. On aurait la faim, on serait pogné ensemble. Là, j'ai le choix, je veux plus que tu sois là. Je le dis souvent, le paysan demande de la pluie, le voyageur demande du beau temps. Mais Dieu, il sait pas quoi faire. Le choix, l'humain ne l'a pas. Alors, effectivement, si toi tu décides que tu cesses tout au complet, ben, tu ne pourras pas cesser tout au complet. Tu vas travailler dans la nuit, ça va continuer. Parce que, pourquoi vous n'avez pas le choix? Parce que ce n'est pas vous, les acteurs et les actrices, qui contrôlez. C'est vous, les êtres réels, qui vous dirigez. C'est sûr que l'ego et l'acteur ont une christie de puissance sur le corps physique. C'est sûr que c'est encore lui qui est le maître contrôleur de l'interpréteur rationnel, ce qui permet la motricité du corps. C'est lui qui va décider qu'on prend de la boisson quand il ne faut pas. C'est lui qui va décider qu'on dit ou qu'on fait des choses. Oui, au niveau de la gestion dans l'apparence, il dirige. Mais au niveau de ce qui se passe en dedans, qui est en train lentement de maturer la chose, puis de le changer, de le muter, en ça, lui, il ne contrôle rien de tout ça. Il y a du monde qui, à un moment donné, décide de devenir des moines. Il rentre dans un monastère. 30, 40, 50 ans après, subitement, ils veulent sortir. Mais il y en a d'autres qui restent. Puis demande-leur, es-tu malheureux ici? Il va dire non. Manques-tu de nourriture? Non. Tu vas t'en regarder. Non! T'as pas d'amis? C'est une famille. Pourquoi tu veux sortir? Faut que je sorte. Puis l'humain, pour sortir, vu qu'il ne peut pas supporter le neuf, il va devoir être organisé par l'ajusteur de pensée pour renier le monastère. Il va se trouver des raisons. Oui. C'est là qu'on crée la souffrance. Là, tu commences à créer la souffrance, puis tu commences à dire, ouais, mais c'est parce que vous n'êtes pas assez brillant, c'est parce que c'est trop... Là, on va commencer à démolir. Mais tu peux devenir missionné aussi. Évidemment, c'est très rare, ça peut arriver. C'est le même processus, une autre facette. Mais moi, je vais sortir pour convertir, pour amener de l'autre. C'est la même chose. Mais très souvent, c'est ce qui va arriver. La personne qui, à un moment donné, c'est le temps qu'elle lâche sa religion, elle ne peut pas accepter dans sa psychologie, l'acteur ne peut pas accepter dans sa psychologie que ça fait 30 ans que tu es dans la religion, puis là, tu te rends compte que c'est pas bon. Mais non, c'était bon. C'est le temps de penser à d'autres choses. Et parce que l'humain n'est pas encore assez vibré dans son intelligence, les crimes, si je lâche, c'est parce que c'est plus bon. Non, c'est parce que c'était pas bon. Mais tu t'es fait fourrer pendant 40 ans. Tu t'es pas fait fourrer pendant 40 ans, c'est ce qui t'a permis d'en arriver à l'étape où maintenant tu vas continuer ailleurs. C'est parfait. Ça veut dire que le 9, plus tu coules avec le 9, moins tu résistes au 9, plus tu t'approches de ce que tu es vraiment. Faites comme un bateau qui avance dans l'eau. Hein? Le bateau, il fend l'eau, puis en arrière du bateau, l'eau n'est jamais fendue. C'est sûr que dans ta vie, tu vas créer un mouvement dans l'événement. C'est évident, t'as un corps de chair. Puis chaque corps impose son espace-temps, ce qui l'entoure. T'auras pas le choix. Mais c'est pas nécessaire de laisser plein de traces en arrière puis de traîner le maximum d'eau. « Hey, cet eau-là m'a permis d'avancer, il faut que je l'amène avec moi. » Ben. À un moment donné, ça monte une vague. Ça peut finir. Ça n'a pas de sens. L'être humain doit se détacher, l'être humain doit relaxer. La conscience, elle est là, elle est là. Elle ne nous habite pas, on n'est pas en contact avec, c'est elle qui nous oblige à continuer à cheminer. Pourquoi pensez-vous qu'après 30, on va dire 320 millions d'années pour faire ce cours, pourquoi pensez-vous que l'homme, la femme et l'enfant continuent toujours à rechercher une ascension spirituelle, alors que si on regarde les résultats depuis... c'est pas fort. Pourquoi ils continuent toujours? Le 2000 ans, on y promettait ciel et paradis. Bon, le 3000 ans, ils promettaient le nirvana. Le 35 000 ans, ils promettaient le non-vide. tort, pinoche. À un moment donné, la résurrection des morts, c'est merveilleux. Mais 2000 ans après, ça va s'en faire du monde sur la planète, ce sont les ramènes tout. On continue à avancer. Mais là, ce qu'on se dit, c'est qu'on se dit, ben là, moi, je vais changer de religion, tiens, je vais aller voir telle religion, telle religion, telle affaire du passé, telle, on va voir le diable, on revient voir les forces yaviques. Un bon diable, un mauvais diable. Non, ça, c'est lui, ça. Un petit Christ. Un petit Christ, mais bon, un bon diable. Un bon diable, c'est quelqu'un qui est bon. On inverse toujours les stratégies. Bon. Mais. Malgré tout, malgré que apparemment ça a jamais fonctionné, le Romain avait sa religion, puis faisait une vie identique à ce qu'on fait présentement ici. Hein? Et c'est une religion totalement animalienne qu'il avait, idolâtre. Toutes les religions restent idolâtrées aujourd'hui, mais animalienne. Le Romain était la même chose. Il faisait ses offrandes, il faisait ses prières, il faisait la même chose. Il avait ses petits icônes, il avait sa croix de Saint-Joseph, il avait la croix de telle affaire. Bon, c'est la même chose. Pourquoi on continue? Parce que ce cheminement-là est un cheminement tampon pour nous permettre de vivre, de supporter d'une façon plus douce la misère qui est reliée au phénomène de l'évolution. Et quand l'être humain cesse son évolution, commence sa conscientisation, la misère qui est reliée à ça va s'estomper aussi progressivement. Mais on se conscientise uniquement quand on ne résiste plus. Tant qu'on résiste, on peut se conscientiser, puis en même temps, on achève notre évolution, c'est-à-dire qu'on continue à résister au niveau de l'ego. Ça reste toujours méritoire. Présentement, oui. Avant la naissance, il n'y a pas de conscience réelle présentement, mais parce que l'être humain aujourd'hui est en train de créer un double éthérique, c'est évident qu'à un moment donné, on pourrait dire qu'avant la naissance, il était là. Elle était là. Et aujourd'hui, quand l'être humain, c'est un égoïste, il est capable de supporter le neuf. Une conférence, c'est du neuf. La vie, c'est du neuf. Il y a en masse de neuf. Mais l'être humain, nécessairement, purifie, c'est-à-dire que c'est un égoïste, donc il crée un double éthérique. Là, sa conscience, elle va rester là après. Mais elle reste, c'est pas important qu'elle reste là après. L'important, c'est pas se créer un double éthérique pendant qu'on meurt. C'est pas ça. On se crée un double éthérique, c'est évident qu'on va être contradictement bien. N'importe où, ici ou ailleurs, etc. Puis c'est un processus normal pour essayer de résister. Sur ce, bonne soirée. Et je répète l'invitation à ceux qui veulent faire du covoiturage de vous identifier à la table en avant. Bon retour chez vous.